tes toits, y a de quoi de bourrique? Oh oui, ma pauvre. Ma pourra début juillet, t'as pas grand monde en ville. Ma pourra début juillet, t'as pas grand monde en ville. Y'a qu'au Crédit Agricole, y'a qu'au Crédit Agricole que j'ai dû faire la file. Oh, je suis pas étonné, va. Pourvu qu'on n'ait pas la flotte pour le First Queen is due. Pourvu qu'on n'ait pas la flotte pour le First Queen is due. Ma t'alors s'il fait trop chaud, ma t'alors s'il fait trop chaud, ce sera pas bien non plus. Ah, c'est vrai aussi. On fera entrée gratuite samedi pour la fête. On fera entrée gratuite samedi pour la fête. Ce qu'on dépense pas à l'entrée, ce qu'on dépense pas à l'entrée, on laisse à la buvette. Le comité des fêtes va être propre encore. La la la la la la la la la la la la la. Pardon, une de ses voisines. J'en ai qu'un vu, pardon, une de ses voisines. Qui avait mis au curé, qui avait mis au curé des pièces de 5 centimes. Grosse craveresse. Le curé sera pas loin avec ça. On a eu vu des enfants de cœur qui piquaient dans la quête. On a eu vu des enfants de cœur qui piquaient dans la quête. Nous on n'avait pas beaucoup de sous. Nous on n'avait pas beaucoup de sous, mais on était honnêtes. Fréquente une fille qui s'appelle Charlotte. Fréquente une fille qui s'appelle Charlotte. Ces deux-là se sont connus. Ces deux-là se sont connus. Paris aux échalotes. Oh, on est qu'à lui. François, tu vois, n'est pas resté longtemps non plus. Ben, tu vois, François n'est pas resté longtemps non plus. Celui-là n'était plus pareil. Celui-là n'était plus pareil depuis qu'il buvait plus. Oh, pour qu'est-ce pas. Où t'es meilleur que juillet, c'est pas les mêmes personnes. T'es meilleur que juillet, c'est pas les mêmes personnes. Les bistrots sont pas contents. Les bistrots sont pas contents car personne ne consomme. L'hiver après, t'as plus grand chose comme distraction. Ah, c'est vrai. L'hiver après, y'a plus grand chose comme distraction. Un petit tour au casino. Un petit tour au casino. Et puis un Mappelzo. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non